Garde dans l'alcool, dans ses vapeurs, l'on s'endort. Ces a priori qui démesurent les contresens. J'ai bien le fly qui vole au vent derrière ces miroirs, mais je suis bien dans la mouise. Mais tant pis, j'en crève d'envie. J'ai bien tout essayé, mais sans avoir saisi le sens du mot, j'ai fui. Et leurs potes accablés, accablés par les dictons de ce prêcheur utopiste qui perchait sur son âne dit qu'il peut voler. Mais pouvoir n'est pas devoir, je dis car je suis le voleur. Ce serait une bien grande erreur de vouloir voler au soleil sa chaleur. Dit ce prêcheur, le cul sur le trône, entendant la main, là-haut vers les nuages. Et lui l'a bien fait, mais lui s'est envolé en haranguant les foules, clamant d'être guide, clamant d'être guide, guide de lumière, comme ce despotique petit prêcheur. Moi aussi je l'ai bien fait, moi aussi je l'ai bien fait. Sa prédiction n'était pas contradiction. Près du soleil, et mes ailes se sont brûlées. Mais c'était bien marrant, je me suis laissé tomber en me répétant sans cesse, et bien moi le soleil, et bien moi le soleil. Je l'ai touché tout en écrivant une chanson décalée. Tout en écrivant une chanson décalée. Tout en écrivant une chanson décalée.